Activité 18. Le téléphone sonne. Téléphone sonne pour toi. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com. Bonsoir, 10 bougies, et oui, 10 bougies déjà pour le pacte civil de solidarité, né en 1999 et qui est, comme on dit, entré dans nos mœurs, et aussi d'ailleurs, on va en parler, dans notre droit, avec maintenant au total plus d'un million de couples pacsés. L'an dernier, près de 146 000 couples ont ainsi choisi le pacte pour presque le double de mariages, 273 000. Mais c'est sur ces 10 ans que les chiffres parlent peut-être le mieux. 6 000 PACS au tout début, en 99, 22 000 l'année suivante, c'est-à-dire la première année complète, et donc près de 7 fois plus, 10 ans plus tard, maintenant, tandis que dans les mêmes 10 années, le nombre de mariages, au contraire, s'est légèrement effrité en passant d'un peu plus de 300 000 à 273 000.